بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في باب جديد وهو حضور النساء المسجد. Donc nouveau chapitre qui est que les femmes se rendent au masjid. Jugement de la venue de la femme au masjid pour la salat en jama'a. يقول في الحديث الثامن والخمسون. Dans le 58e hadith. يقول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال فقال بلال ابن عبد الله والله لنمنعنهن. فقال فأقبل علي عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط. وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعنهن. وفي اللفظ لمسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. Donc selon Abdullah ibn Omar, radiallahu anhuma, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ou le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que si la femme de l'un d'entre vous lui demande la permission pour se rendre au masjid, alors qu'il n'interdise pas, qu'il n'empêche pas d'y aller. Et de là, Bilal, le fils de Abdullah ibn Omar, c'est-à-dire le petit-fils de Omar ibn Khattab, il a dit « Par Allah, on leur interdira certainement. » Et de là, Abdullah s'est tourné vers lui et s'est mis à l'insulter durement. Il a dit, je ne l'ai jamais entendu insulter de la sorte auparavant. Et lui, en lui disant, je t'informe au sujet du Nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'il est dit de ne pas leur interdire et toi, tu leur dis, on leur interdira. Et dans une autre version d'un muslim, il a dit, n'interdisez pas aux servantes d'Allah de se rendre dans les masajid d'Allah. Naam. Yaqul fadilat al-shaykh ibn al-Uthaymeen. Oui, le rapporteur, c'est Abdullah ibn Omar, radiallahu anhu. Celui qui rapporte le hadith, c'est Abdullah ibn Omar, dont la tarjama a déjà été citée dans le 13e hadith. Yaqul moudou al-hadith bayan hukman rajul imratahu min hudur al-jama'a fil masjid. Donc ce hadith est venu pour montrer justement le jugement qui découle du fait d'interdire à l'homme, qu'il interdise l'homme, que l'homme interdise à sa femme de se rendre au masjid pour faire la salat en jama'a. Yaqul في الشرح الإجمالي والإكسبريشن جلوبال دو حديث صلاة الجماعة مشروعة في الأصل للرجال لأنهم أهل القوة والمنعة وخروج إلى ظاهر البيوت. Donc la salat en jama'a à la base est une chose qui est légiférée pour les hommes car ce sont eux qui ont la force. D'accord, ce sont eux qui agissent, qui ont autorité et qui sont à la base amenés à sortir de la maison. ولكن لا بأس على النساء من حضورها إذا أمنت الفتنة منهن وبهن. Mais il n'a pas de mal que la femme puisse y entrer également si jamais elle est préservée des tentations et des troubles de sur elle-même et par rapport aux autres. وفي هذا الحديث يحدث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال أن يمنعوا نساءهم إذا طلبنا الإذن لهن بالخروج إلى المساجد لأنهن إماء الله تعالى يريدنا التعبد له في أماكن عبادته يعني المساجد. Donc dans ce hadith, Abdullah ibn Omar nous rapporte que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a interdit aux hommes d'interdire à leurs femmes, lorsque celles-ci veulent, elles leur demandent la permission de sortir pour se rendre au masajid, il leur a interdit de leur interdire. Car elles sont également les servantes d'Allah et elles veulent également l'adoration dans ces lieux qui ont été bâtis spécifiquement pour dans ce but, c'est-à-dire la masajid. وحين حدث ابن عمر بهذا الحديث قال له ابن بلال وقد رأى تغير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لنمنعنهن. Et au moment justement où Abdullah ibn Omar citait le hadith, son fils Bilal, qui lui a constaté le changement des gens après la mort du Nabi صلى الله عليه وسلم, qu'il allait interdire justement aux femmes de sortir. Et cela par jalousie et pour protéger les gens de la fitna. Comme le dit le chien lui-même. فَأَقْبَلَ عَلَيَّ أَبُوهُ فَصَبَّهُ سَبًّا سَيِّئًا لَمْ يُسْبَقْ أَنْ صَبَّهُ مِثْلَهُ لأنه عارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه العبارة التي لا يجوز أن يعارض قول الرسول الله صلى الله عليه وسلم بمثلها مهما حسنت النية وسلم القصد لما فيها من الجفاء في التعبير المنافي لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم والتعظيم له. Donc de là, Abdullah ibn Omar, qui est son père, s'est mis à l'insulter durement, d'insultes sans précédent. Car Bilal a une parole qui s'oppose à celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce genre d'expressions ne sont pas permises de s'opposer à l'ordre du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, même si on a une bonne intention en cela. D'accord? Car cela ne sied pas. Et cela est un manque de respect et est un manque justement de. Comment dirais-je ça ne donne pas la valeur que mérite le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans sa parole. Donc il a bien précisé que Bilal, cette parole-là, il ne l'a pas dit volontairement dans le fait qu'il n'aime pas l'ordre du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais il a dit cela dans quel sens? Dans le sens qu'il a vu que les gens ont changé et que les femmes sont exposées à la fitna. Et cela est appuyé par un hadith de Aïcha, quand elle a dit « Law adraka an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam ma ahdathat an-nisa ba'dahu, la mana'ahunna min al-masajid kama muni'at nisa banu Israël. » elle a dit à Aïcha que si Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait vu comment se comportent les femmes actuellement, il leur aurait interdit le masajid, comme cela fut le cas pour les femmes des Bani Israël. Donc Aïcha, elle a dit ça à quel moment? Elle est de la même époque que Bilal, le fils de Abdullah ibn Omar. Elle a connu l'époque des Sahaba et l'époque des Tabi'in. Donc elle-même constate qu'il y a eu un changement chez les femmes à ce moment-là. Mais elle a bien dit, elle n'a pas interdit aux femmes de sortir, elle a dit que si Nabi Sallam avait été là, il leur aurait interdit de sortir au vu du changement qui s'est produit après sa mort. Et cela est une chose du fait qu'il arrive après sa mort. De son vivant, ça n'aurait pas pu se produire, cela, sans aucun doute. Donc c'est de là que Bilal, par rapport à ça, que Bilal il a réagi. Mais Bilal, à ce moment-là, rahimahullah ta'ala, n'a pas vu juste. Et son père l'a corrigé, l'a rectifié. Il a été dit qu'il a fait le hajj par rapport à cela jusqu'à sa mort par la suite. Wallahu ta'ala alam. Et ça, c'est un fait que l'on voit que les femmes sortent pour aller au masjid et la plupart d'entre elles ne respectent pas les conditions. Elles ne respectent pas les conditions. Car parmi les conditions pour se rendre au masjid, comme cela va venir, c'est le fait qu'elles ne causent pas de fitna pour les gens et qu'elles-mêmes ne sont pas exposées à des fitna. C'est-à-dire, cela se fait discrètement. On a appris dans les hadiths précédents, dans les hadiths de Aïcha, qu'elles assistaient à la salat du Fajr, enveloppées dans leurs vêtements, et elles ressortaient, fil ras, au moment de l'obscurité, au moment où personne ne les connaissait. Aujourd'hui, elles sortent, elles sont habillées d'un vêtement qui n'est pas considéré comme étant légiféré pour beaucoup d'entre elles. Elles sortent avec le visage découvert. On sait qu'il y a un khilaf sur la mas'ala, et le cas le plus sûr, c'est qu'elles doivent se couvrir le visage, et au minimum, cela est recommandé pour elle. Au minimum, cela lui serait recommandé. Donc, dans nos masjids, il y a forcément des hommes qui sont, surtout dans les masjids qu'il y a dans les pays comme la France, où il n'y a pas vraiment de séparation, comme il se doit, entre l'entrée de la partie des femmes et celle des hommes, elles sont souvent mélangées à se retrouver aux hommes. En plus, dans la salat des femmes en jamara, le Nabi Sallam a ordonné qu'elles partent vite après la salat pour ne pas avoir à se retrouver avec les hommes à la sortie. Aujourd'hui, on voit que ça traîne. Par rapport à cela, les femmes elles parlent fort, elles rigolent fort, elles ne baissent pas le regard. Même moi, de mes propres yeux, j'en ai vu une à mes débuts en islam. Je me rendais au masjid, je sortais du métro. Il y avait une femme devant moi qui marchait, habillée en pantalon et voilà, les cheveux dévoilés. Et elle marchait devant moi. Je me rendais vers le masjid, et elle aussi, apparemment. Et ensuite, avant de se rendre au masjid, je vois qu'elle sort dans son sac à main un foulard. Elle se met sur la tête et entre au masjid. Je me suis dit, là, ilaha illallah. J'étais au tout début de mon islam. J'étais choqué de voir cela. Ça veut dire qu'elle sort dévoilée normalement, elle va au masjid, elle met son foulard sur sa tête. C'est pas hijab, hein, c'est un foulard. Elle rentre au masjid, elle fait sa salat en pantalon normal, après elle sort. Et sûrement, elle doit retirer son hijab. Ça, c'est parmi les pires des cas. Parmi les pires des cas. Donc, dans cette situation-là, il est certain que. À ce moment-là, l'homme, si c'est cela de sa femme, il lui interdit le masjid dans ces conditions-là. Il lui interdit. Et le meilleur, c'est qu'il aille avec elle, s'il peut. S'il n'a pas de voiture, il va en transport avec elle. Et si elle est en voiture, il la prend avec elle et il la pose devant l'entrée du masjid. Elle se couvre. Et quand bien même elle serait une personne qui serait de l'avis que l'on ne couvre pas le visage de la femme, à ce moment-là, elle le couvre pour préserver son honneur. À ce moment-là, elle le couvre. Pour éviter un tas de kalem et éviter une fitna, et éviter de rentrer dans quoi? Dans justement la illa qui est à la base est demandée pour que la femme se rende au masjid, qu'elle ne soit pas une fitna pour les gens. Elle se couvre le visage, elle rentre dans le masjid, elle fait la salat, Et après, elles se donnent rendez-vous avec son mari et ils repartent ensemble. S'il y a un ders, c'est au ders. S'il y a une conférence, ils suivent la conférence, après ils repartent ensemble. Cela est meilleur s'ils peuvent faire cela. Taïe. Thumma yaqul fi fawaid al-hadith. Parmi les enseignements utiles du hadith. Jawaz hudur al-mar'a li salah fi al-masjid ma'a al-jama'a. Bi shart alla takuna ala hal takhsha minha al-fitna. Li qawli an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, idha shahidat ihdakunna al-masjid fala tamass tiban. Wa fi hadith akhar, أي امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة رواهما مسلم. Donc il est permis à la femme de se rendre à la salat au masjid en groupe à condition qu'elle soit dans une situation qui n'amène pas à une tentation pour les hommes. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a bien dit, la femme, si l'une d'entre vous se rend au masjid alors qu'elle ne se parfume pas. C'est-à-dire à la base, la femme ne doit pas sortir parfumée. Mais ça veut dire si elle met chez elle, elle avait du parfum, ah ben elle ne sort pas. Et à la base que ce soit pour le masjid ou autre que le masjid. Car le Nabi Sallam a dit que toute femme qui sort parfumée, c'est une fornicatrice. Et qui marche au milieu des hommes en étant parfumée, c'est une fornicatrice. Ou dans un autre hadith, il a dit, toute femme justement qui a été en contact avec de l'encens, alors qu'elle n'assiste pas avec nous à la salat. Et il dit, l'akhirah, il parlait du Isha à ce moment-là. Et en réalité, ça c'est valable pour toutes les salawat. Et même, à faire attention, les femmes qui portent des vêtements qui ont été lavés avec de la lessive, qui est parfumée, ça prend le même jugement. Ou qu'elle porte un enfant qui a mis une crème qui lui-même est parfumée, qui elle-même est parfumée. Ça prend le même jugement, comme les ulama l'ont dit. Tout ce qui amène à ce qu'une odeur qui émane d'elle et qui attire vers elle, ça prend le même jugement. Après, c'est sûr que c'est moins grave qu'une femme qui se parfume elle-même d'un parfum fort qui sort au milieu des hommes, c'est autre chose, c'est plus grave encore. Mais une femme qui sort parfumée malgré elle, d'accord, cela lui est interdit également. نهي الرجل أن يمنع امرأته إذا استأذنته في الخروج للمسجد للصلاة ونحوها. Qui est l'interdiction à l'homme d'empêcher sa femme de sortir au masjid si elle lui demande la permission pour la salat et autres. Mais attention là, il y a bien une condition. Elle lui demande la permission. Ce n'est pas à sortir d'elle-même comme ça sans qu'il le sache. Elle lui demande la permission. Et de là, l'homme lui permet. Naam. Et notre cheikh Yahya disait également, si une femme demande la permission à son mari pour aller au masjid, et qu'il a permis pour cela, elle n'a pas le droit de se rendre dans un autre lieu, même en chemin, chez une amie ou je ne sais où, sans sa permission. Car la permission de l'homme, c'est pour aller au masjid. C'est pas se dire, allez, je suis dehors, je sors, je vais à droite, je vais à gauche. Elle va au masjid, elle fait sa salat ou elle fait ce qu'elle a à faire au masjid, après elle revient. Et si elle veut une autre sortie parallèle à cela, elle demande la permission. Sauf si son mari, de façon générale, lui a permis cela, elle sait qu'il lui a rendu cela permis, elle sait que sur le chemin, elle a sa tante, ou elle a une amie à qui elle rend visite, fréquemment, et que son mari l'autorise, ça c'est autre chose. Mais à la base, c'est une chose qui sort de leur habitude, elle demande la permission. Car ça rentrera dans le jugement d'une deuxième sortie. Yaqul, jawaz man'uhu iyaha min al-khuruj lighayri al-masjid. Et sur le hadith prouve qu'il est permis à l'homme d'empêcher sa femme de sortir pour autre que le masjid. رابعا ثبوت ولاية الرجل للمرأة ورعايته لها. Que cela montre que l'homme, c'est lui qui a autorité sur la femme et c'est lui qui la prend en charge. خامسا تعريض الإنكار على من عارض السنة برأيه. Qui montre le blâme sévère que l'on doit faire à celui qui conteste la sunna avec son opinion, avec son avis, de sa tête. سادسا غيرة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وشدة تعظيمه للنبي صلى الله عليه وسلم. Cela montre la jalousie de Ibn Omar. Et le grand respect, le profond respect, la magnificence qu'il a pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, car il s'est mis à insulter son propre fils. Et elle ne peut lui parler par la suite. Wallahu ta'ala alam, hadha alladhi akhadna al-yawm, wa alhamdulillahi rabbil alamin.